Bonjour, oui, c'est François Morel, envoyé spécial dans le Calvados, grâce aux moyens techniques fournis par France Bleu Normandie-Caen. Un fait divers, quand il est emblématique, peut renverser une élection. Un fait divers, quelques jours avant un rendez-vous important de la République, comme l'est ce premier tour à l'élection présidentielle, ça peut changer le cours de l'histoire. En dépassant l'anecdote, un fait divers nous aide à mieux comprendre les enjeux sociétaux qu'il met en lumière. L'affaire a été révélée par l'Orne combattante. La photo qui fait actuellement le tour des réseaux sociaux est visible sur le site de France Inter. Toujours au plus près de l'actualité avec ceux qui font l'actualité. Aujourd'hui, mon invité, un grand témoin, Jean-Pierre Van der Smissen, que je voudrais remercier car ce n'est pas un habitué des médias et c'est la première fois et sans doute la seule fois qu'il s'exprimera sur l'affaire que nous allons tenter d'éclairer ce matin. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Je rappelle les faits. Vous étiez vendredi dernier sur la commune de Saint-Rémy-sur-Orne, qui est située dans le Calvados. C'est ça. Vous étiez donc en déplacement, puisque vous n'êtes pas vous-même originaire du Calvados. Non. Vous étiez donc sur la route entre Condé-sur-Noireau et Thury-Harcourt et vous avez été pris d'une envie pressante. C'est ça. Et donc, passant à Saint-Rémy-sur-Orne, vous vous êtes arrêté au WC public. Voilà. Et là, vous poussez la porte des WC publics et vous faites une découverte saisissante. Ah ben oui. Je vous sens, une semaine après les faits, encore assez bouleversé par votre découverte. Là, vous hésitez entre fureur et consternation. C'est ça. Vous vous rendez compte que la chasse d'eau des WC publics situés, je le rappelle, place de la mairie à Saint-Rémy-sur-Orne a disparu. C'est ça. Alors, dans ce cas-là, on fait quoi? On réagit comment? Vous êtes rendu immédiatement à la mairie de Saint-Rémy-sur-Orne, qui, je le rappelle, est située place de la mairie, ce qui est un hasard formidable. Et là, la municipalité de Saint-Rémy-sur-Orne a bien dû reconnaître ce triste constat, la disparition de la chasse d'eau des WC publics de Saint-Rémy-sur-Orne. Voilà. Une chasse d'eau volée dans une commune qui jusque-là n'avait pas été classée parmi les communes les plus dangereuses du territoire. Saint-Rémy-sur-Orne est-elle en passe de devenir le Chicago du bocage? L'assertion de Jean Lassalle qualifiant la campagne de la présidentielle 2022 comme une campagne de merde trouve-t-elle son illustration idéale par ce fait divers symptomatique? C'est quelques-unes des questions que pose l'affaire des WC publics de Saint-Rémy-sur-Orne, fermée hélas jusqu'à nouvel ordre. C'était François Morel en direct des studios de France Bleu Normandie-Caen. Et avant de rendre l'antenne, je voudrais encore remercier Jean-Pierre Van der Smissen pour son témoignage bouleversant. Ben, de rien. Vas-y, si, quand même. Ah non, non. Si, bah. Ça fait plaisir. Bon. France Inter.